Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Le Stone Rock Show. Émission Olive. Salut à toi, ami du rock, bienvenue dans le Stone Rock Show, ton rendez-vous du mercredi soir 22h sur Stone Rock Radio. Moi c'est Olive et je vais t'accompagner pendant une bonne heure avec du bon son rock. J'espère que tu passes un bon moment sur Stone Rock Radio. Merci à Tom pour son émission Dirty Rock Party Show, que vous retrouverez mercredi prochain vers 21h sur Stone Rock. Alors je te rappelle le concept du Stone Rock Show de cette saison. On va remonter le temps jusqu'en 1978 et s'intéresser à ce que passaient nos voisins britanniques dans leurs émissions rock, à cette époque où le disco dominait les charts et envahissait les ondes. Mais tout en gardant l'esprit Stone Rock Show des saisons précédentes, avec les petits jingles et les interventions humoristiques. Je te passerai donc du classic rock, des extraits d'albums sortis entre janvier et juillet 1978, des titres rock complètement oubliés, une session John Peel enregistrée en live dans les studios de la BBC entre 1977 et 1978, des curiosités électro et crowd rock. Je vais également te faire découvrir les grands débuts de la vague New Wave qui a pris de l'ampleur au début des années 80, mais également de beaux morceaux soul et reggae. Alors au programme de ce Stone Rock Show, épisode 28, des épingles à nourrice, du calme et de l'énervé, de la ganja, du collector, du vinyle qui craque, du rock fort, du classic rock et de la pill session. Et on commence tout de suite avec la série Destroy et le groupe punk Neon et leur titre Bottles. Neon s'est formé au début de l'année 1978 dans le comté de Durham et ne ressemblait à aucun autre groupe de l'époque. Issu des restes d'un groupe appelé The Ephalumps, ils n'allaient pas être des marchands de 1, 2, 3, 4 comme les autres. Cependant, comme le rappelle Tim Jones, dès notre premier concert, nous avons été étiquetés comme punk. C'est donc ce que nous pensions être, même si rétrospectivement, il y avait tellement d'autres influences qui ont fini par être connues sous le nom de New Wave. Et il décrit précisément leur son comme punk progressif, des riffs de guitare rapides et furieux. J'ajouterai à cela des signatures temporelles bizarres frôlant le jazz. Pour compléter la description de leur son, Fulstead Cliff a déclaré dans Sounds que le groupe jouait de manière saccadée avec une tension dansante. Bottles est extrait de leur premier EP sorti en 1978 chez Sensible Records. Je te passerai ensuite Kowalski on the Sea View as the best hairstyle I've ever seen de John the Postman. C'est extrait de l'EP Pueril sorti en 1978 chez Bent Records. John the Postman, de son vrai nom Jonathan Homerod, est né à Humpur Hay dans le Grand Manchester en 1956 et décédé en juillet 2015. Musicien punk de Manchester qui travaillait comme facteur. John était présent au concert légendaire des Sex Pistols au Lesser Free Trade Hall le 4 juin 1976. Une carrière musicale s'ensuit avec des prestations impromptues lors de concerts à Manchester après que le groupe en tête d'affiche a quitté la scène. Il forme ensuite son propre groupe et fait la première partie de The Fall, Buzzcocks et Joy Division. Après avoir sorti deux albums pour Bent Records, John s'est installé à San Francisco. Il est revenu à Manchester à la fin des années 80, travaillant à nouveau comme facteur. Dans le film 24 Hour Party People sorti en 2002, John est interprété par le comédien Dave Gorman. Son corps a été retrouvé à son domicile le 26 juillet 2015, après une mort naturelle estimée à 3 jours. On enchaînera avec Rebellious Jukebox, chanson du groupe post-punk britannique The Fall, sortie en 1979 sur leur premier album intitulé Live at the Witch Trail. La chanson a été écrite par le chanteur et leader du groupe Mark E. Smith. Rebellious Jukebox est considérée comme l'une des chansons les plus emblématiques de The Fall, avec son mélange unique de post-punk et de rock garage, combiné à l'attitude distincte de Smith dans les paroles. Les chansons commencent par une rythmique de batterie lourde et continuent avec une guitare stridente et une basse claquante. créant une atmosphère sombre et intense. Les paroles, qui sont souvent difficiles à interpréter, sont pleines d'images successives et de métaphores. Et on terminera cette série avec She's So Modern, chanson du groupe de New Wave irlandais The Bottom Rats, sortie en 1978 en tant que single et a été incluse dans leur deuxième album A Tonic for a Troop. La chanson a été écrite par le chanteur et leader du groupe Bob Geldof, ainsi que par le guitariste Gary Roberts. La chanson a été un succès commercial, atteignant la 9e place dans les charts britanniques. Elle est devenue l'une des chansons les plus populaires de The Bottom Rats, avec son rythme entraînant, ses guitares énergiques et ses paroles ironiques et sarcastiques sur la culture populaire de l'époque. La chanson traite de la façon dont les jeunes femmes sont poussées à suivre les tendances de la mode et de la musique, même si cela peut sembler superficiel et vide de sens. Les paroles sont remplies d'images frappantes telles que « She's talk like Eva Braun » et « She's like pop, she likes soul, she likes rock, but she loves me », ce qui souligne l'ironie de la contradiction dans les comportements de la génération moderne. Mets le volume à fond et fuck les voisins, c'est le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. Punk's not dead. Quoi ce bordel ? We'll be right back. people trumping, or otherwise on the brick wall of your syndrome, on the carpet tablecloth and on the stool in your front room. Nor does he like it when it goes up to his bedroom. It's got nothing on me, man, or his name is from Slaughter of the Gods. Le Stone Rock Show. C'est des malades. C'est des malades. C'est des malades. I'm searching for glisser, chef. Yeah. tonic for the truth. Hey, no. 20th century. Hey, no. 1970. Hey, no. The right things to say. Hey, no. The right girls to wear, cause she's a modern girl. Rock Show. L'émission d'Olive. Deuxième partie du Stone Rock Show avec The Boys, groupe punk britannique formé en 1976 à Londres. Le groupe était composé de Matt Dangerfield à la guitare et au chant, Keith Steele au clavier et au chant, Honest John Plain à la guitare et au chant, Kid Reid à la basse et Jack Black à la batterie. The Boys se sont rapidement fait un nom sur la scène punk de Londres avec leur énergie brute et leur son accrocheur et mélodique. Leurs paroles étaient souvent ironiques et satiriques, ils étaient connus pour leur attitude légèrement provocatrice. Le groupe a sorti leur premier album, The Boys, en 1977, qui a été bien accueilli par la critique et le public. Ils ont ensuite sorti plusieurs albums supplémentaires au cours des années suivantes, notamment Alternative Chartbuster en 1978 et To Hell with the Boys en 1980. The Boys ont été comparés à des groupes punk tels que The Clash et The Buzzcocks pour leur style musical, mais leur son unique et leur sens de l'humour leur ont permis de se démarquer dans la scène punk britannique. Ils ont continué à jouer et à enregistrer jusqu'à leur séparation en 1981, mais leur influence a été ressentie sur la scène punk et post-punk pendant des décennies après leur dissolution. Je vais te passer deux titres extraits de leur album Alternative Chartbuster sorti en 1978, Classified Susie et TCP. On enchaînera avec The Knack de Squeeze. Il s'agit d'une chanson sortie en 1979 sur leur deuxième album Cool for Cats. La chanson est écrite par le guitariste Glenn Tilbrook et le parolier Chris DeFords. Elle a été bien accueillie par la critique et est devenue un succès modéré au Royaume-Uni. La chanson est caractérisée par ses paroles humoristiques et satiriques qui se moquent de la fascination de la société pour les célébrités et la célébrité elle-même. Les paroles décrivent une personne obsédée par la gloire et la notoriété qui est prête à tout pour être sous les projecteurs. Musicalement, la chanson est basée sur un rythme entraînant et une ligne de basse accrocheuse avec des éléments de new wave et de power pop. La guitare de Tilbrook ajoute également une touche de rock à la chanson. Et on terminera cette série avec le Wire de la semaine, From the Nursery, extrait de l'album Chair Missing sorti en 1978. Place now, yours or hers, 9 to 5, a husband works. qu'est-ce que c'est ce bordel? Arrêtez, je suis venu. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Gueulez chez gueulez, hein. C'est pas un problème, hein. C'est vous. Mais c'est de la merde! monsieur, vous avez oublié vos slips. Si tu viens de nous rejoindre, tu es bien sur Stone Rock Radio avec le Stone Rock Show. Et c'est Olive à l'antenne pour t'accompagner une petite partie de ton mercredi soir. J'espère que tu passes un bon moment avec du bon son rock passé sur les radios British en 1978 et que tu découvres ou redécouvres les titres ou les groupes de cette belle époque musicale. Troisième partie du Stone Rock Show avec No Spitting on the Bus, chanson du groupe britannique Steve Gibbon Band, sortie en single en 1977 et incluse dans leur album Any Road Up, sorti la même année. La chanson aborde les problèmes de la vie quotidienne dans les transports en commun, en particulier les mauvaises manières des passagers. Les paroles exhortent les gens à être plus respectueux et à éviter de cracher ou de mâcher de la gomme dans le bus. Musicalement, la chanson est un mélange de rock et de pub rock avec des éléments de blues et de country. Elle est basée sur un riff de guitare accrocheur et un rythme entraînant, avec des solos de guitare et d'harmonica qui ajoutent une touche de musicalité et d'énergie. No Spitting on the Bus a été un succès pour le Steve Gibbon Band, atteignant le top 20 des charts britanniques en 1977. Elle est également devenue une chanson populaire dans les émissions de Radio Rock et a contribué à la popularité du groupe à l'époque. Ensuite, je te passerai One More Chance to Run, chanson du groupe britannique British Lions, sortie en 1978 sur leur album éponyme British Lions. Le groupe a été formé en 1977 par le guitariste du groupe Mott the Hoople, Mick Ralph, après la dissolution du groupe. La chanson est un rock énergique avec des riffs de guitare puissants et des lignes de basse solides. Les paroles parlent d'un homme qui a une dernière chance de s'échapper et de courir librement, mais qui est confronté à la dure réalité de sa situation et doit faire face à ses problèmes. One More Chance to Run est un excellent exemple de style de rock brut et authentique que les British Lions ont apporté au monde de la musique dans les années 70. La chanson est souvent considérée comme l'une des meilleures du groupe et a été régulièrement jouée lors de leurs concerts. Bien que les British Lions n'aient pas connu le même succès commercial que Mott the Hoople, leur musique reste appréciée des fans de rock et de punk des années 70. One More Chance to Run est un morceau énergique et dynamique qui représente bien le style de musique que le groupe a produit. On enchaînera avec I'm in Touch with Your World, chanson du groupe américain The Cars, sortie en 1978 sur leur premier album éponyme. La chanson est un pop-rock énergique, avec des synthétiseurs électriques, des guitares électriques et la voix distinctive du chanteur Rico Kasek. Les paroles de la chanson sont souvent interprétées comme une critique de la superficialité et du matérialisme de la culture populaire, avec des références à la publicité et à la consommation de masse. Cependant, la signification exacte de la chanson reste ouverte à l'interprétation. Musicalement, I'm in Touch with Your World est un exemple typique de la pop-rock des années 70, avec des arrangements de synthétiseurs et des guitares électriques accrocheuses. La chanson a également un rythme rapide et un refrain facile à retenir, ce qui en fait un morceau populaire à l'époque. Et on terminera cette série avec le reggae de la semaine, True Brothers, chanson de reggae du groupe The Icebreakers, sortie en 1978. La chanson est une reprise du groupe The Metal et a été produite par Dennis Bovell. Le groupe The Icebreakers était un groupe de reggae britannique formé en 1976. Il est devenu célèbre pour avoir joué avec d'autres artistes du genre tels que Prince Far One, Linton Queenie Johnston et Max Romeo. Leur musique était connue pour son style roots et son influence punk. La version de Two Brothers des Icebreakers est un morceau de reggae entraînant avec des paroles sur la fraternité et l'amitié. La chanson a été incluse dans l'album Ice on Fire du groupe sorti en 1978. Elle est également reprise par d'autres artistes, notamment Toots and the Metal et The Mighty Diamonds. Rock and roll, baby! Mais parce que le rock avant, de votre temps, c'était mieux. Non, je pas, ne me fais pas passer pour plus vieux que je suis, mon petit bonhomme. Outside. Mais vous fumez, monsieur. Quatrième et dernière partie du Stone Rock Show avec quelques classiques et on commence avec Delaware Slide, chanson de Josh Thorogood and the Destroyers, sortie en 1979 sur leur album Move It On Over. La chanson est un blues rock énergique qui met en valeur les talents de guitariste de Thorogood. Les paroles de la chanson parlent de la Delaware Slide, un mouvement de danse populaire dans les années 50 dans la région de la rivière Delaware aux États-Unis. La chanson évoque également l'atmosphère des clubs de blues de cette époque et la façon dont les gens se rassemblaient pour danser et s'amuser. Delaware Slide est un exemple classique du style de blues rock de Josh Thorogood, avec ses riffs de guitare puissants et sa voix rock et éraillée. La chanson a également été jouée au concert par le groupe, où elle est souvent utilisée pour inciter le public à danser et à participer à l'ambiance festive. Je te passerai ensuite Still the Same, chanson de Bob Seger and the Silver Bullet Band, sorti en 1978. La chanson est extraite de l'album Stranger in Town, qui est devenu un succès commercial et a été certifié multiplatine. Still the Same est une ballade rock entraînante qui parle des changements dans la vie et de la façon dont les choses peuvent sembler différentes, mais que certaines choses restent inchangées. Les paroles évoquent un personnage qui a parcouru le monde et a connu des succès et des échecs, mais qui reste fidèle à lui-même malgré tout. La chanson a été un succès et est devenue une des singles les plus populaires de Bob Seger. On enchaînera avec Where Are You Tonight, Journey Through the Dark Heat, chanson de Bob Dylan sortie en 1978 sur son album Street Legal. La chanson est souvent considérée comme l'une des chansons les plus complexes et les plus ambitieuses de Dylan de cette période. La chanson commence par un riff de guitare accrocheur et un rythme entraînant qui se transforme rapidement en un voyage émotionnel, intense à travers la nuit sombre et la chaleur de l'âme. Les paroles de la chanson évoquent la quête de l'âme pour l'amour, la signification et la vérité dans un monde chaotique et troublé. La chanson est marquée par la poésie lyrique et la voix de Dylan, qui varie entre des tons doux et mélancoliques et des tons plus bruts et expressifs. Les instruments, y compris la guitare électrique, la batterie, les cuivres et les claviers, contribuent également à créer une ambiance dense et cinématographique. Et on terminera cette série avec Poor Man's Money Blues, chanson du groupe britannique Barclay James Harvest sortie en 1977 sur l'album Gone to Earth. La chanson est considérée comme l'un des morceaux les plus populaires du groupe. Poor Man's Moody Blues est un hommage à un autre groupe britannique de rock progressif, The Moody Blues. Les paroles de la chanson évoquent des souvenirs de concerts des Moody Blues et des sentiments nostalgiques associés à cette période. La chanson commence par une introduction parlée où un fan explique au groupe qu'il aimerait entendre une chanson qui ressemble à Moody Blues, mais que son billet était trop cher pour assister à leur concert. La chanson elle-même est caractérisée par des harmonies vocales riches, des arrangements de cordes luxuriants et des solos de guitare mélodiques. La chanson est souvent considérée comme un exemple du style musical distinctif de Barclay James Harvest, qui combinait des éléments de rock progressif, de pop et de musique classique. À la base, je pensais que c'était un plagiat, mais non, c'est bien un hommage au Moody Blues. All right. non, non, non, là, non. Là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Yeah. was obscure, too profound and too pure. To live it, you had to explode. And at last hour of need, we entirely agreed. Sacrifice was the code of the road. I left town at dawn with my cell in St. John. Strong men belittled by doubt. I couldn't tell her what my private thoughts were, but she had some way of finding them out. He took bits in her aim, but he missed just the same. She was waiting, putting flowers on the shelf. She could feel my despair as I climbed up her hair and discovered her invisible self. Was a lion in the red, does a demon escape? Was a billion dreams gone, does a landscape be enraged as her beauty fades and I watch her undrape? Well, I won't, but then maybe again I might. Oh, if I could just find you tonight. But he should have stayed where his money was green. I bit into the root, forbidden fruit, with the juice running down my leg. I've dealt with your boss, who'd never known about loss, who always was too proud to beg. There's a white diamond gloom on the dark side of this room, and a pathway that leads. guess the truth is I love you. I can't say anymore, 'cause I need you. Yes, I want you. Yes, I love you. As I look from my window to the streets where you stand, I am gazing through darkness. You can't walk hand in hand. Your friends try to tell. Your friends you defend, they keep my heart from your heart. We must be in the end, 'cause I love you. Yes, I Le Stone Rock Show. L'émission d'Olive. Voilà, le Stone Rock Show, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. J'espère que tu t'es régalé en ma compagnie, que tu as apprécié ces morceaux diffusés sur les ondes anglaises en 1978. On va se quitter avec la Pill Session de la semaine. Le groupe The Carpets, enregistré le 13 décembre 1978 dans les studios de la BBC, et diffusé pour la première fois dans le John Pill Show le 21 décembre 1978. Le groupe y interprète 5 titres: Cruel Honesty, What Can I Do, I Don't Make Sense, Double Platinum et Routine. Jeudi, retrouve Isa et son émission Rock and Free vers 18h et Manu et son Rock Alternative Show vers 20h. Et vendredi, émission spéciale de Totalement Rock avec Jan vers 21h. Tu peux retrouver le Stone Rock Show sur Mixcloud sur la page de la radio ou sur le site archive.org en tapant tout simplement le Stone Rock Show. Sinon, abonne-toi sur Facebook pour être au courant des news ou de la prog. Allez, bonne nuit à toi, amis du rock, et à la semaine prochaine. Merci pour ta fidélité. Dédicace à Tiffen. Bye. Always told the truth. I asked just couldn't question. Just remember that you're mine. It's all so hard, it's all so hard. pas si je dois vous appeler ami de la musique ou plus simplement ami du rock. En tout cas, mesdames et messieurs, bonsoir.